Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 23e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone et il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Alors que nous allons terminer aujourd'hui notre chapitre 8 et débuter le dernier chapitre de la section Histoire moderne de la Chine, qui nous permettra aussi de terminer l'époque impériale prochainement. Nous avons parlé la semaine dernière de l'actualité et de la décapitation du haut commandement militaire de Chine, avec la plus récente purge contre le général Chang Yuxia. Et comme il fallait s'y attendre, les tentatives d'interprétation ont continué à se multiplier sur le sujet dans les médias, sans que personne ne soit en mesure de dire si cela allait précipiter ou ralentir la volonté de partir en guerre de la Chine. Alors, plutôt que d'ajouter aux fabulations ambiantes qui se propagent dorénavant plus vite que les progrès technologiques liés à l'intelligence artificielle, nous replongeons dès maintenant dans la suite de notre récit intitulé « L'histoire de la Chine à dos de tortue ». Nous avons parlé la semaine dernière des conséquences de la querelle des rites chinois qui était, dans un premier temps, une augmentation de la quantité des écrits sur la Chine qui circulaient en Europe. Et dans un deuxième temps, la fin de la mission chrétienne de Chine avec l'expulsion des missionnaires au début du 18e siècle. Nous poursuivons aujourd'hui sur cette thématique avec le dernier point du chapitre 8, qui est en quelque sorte un autre effet de la querelle des rites. C'est un point qui s'intitule « De la sinophilie à la sinophobie ». En fait, la querelle des rites déborda rapidement de son cadre strictement théologique, et les débats européens au sujet des rites chinois se déroulaient dans le contexte d'une augmentation considérable du commerce international et du commerce européen avec la Chine, suscitant par le fait même un engouement prodigieux en Europe, donnant lieu à ce qui fut nommé la mode des chinoiseries. Grâce aux nombreuses expéditions maritimes et aux compagnies européennes, comme la VOC aux Pays-Bas, la Compagnie française des Indes orientales ou la East India Company britannique, les possibilités commerciales avec la Chine enregistrent une nette croissance à partir de la fin du 17e siècle, d'abord pour des produits comme le thé, la soie et les porcelaines. L'engouement pour le « Made in China » se généralise dans l'Europe du 18e siècle, d'où l'expression « mode des chinoiseries ». Et cet engouement s'étendait à des produits comme la tapisserie, la vaisselle, les meubles, mais aussi les jardins avec les treillis et les pavillons, ainsi que l'architecture. Sur ce point, plusieurs considèrent que l'émergence du style rococo dans la France du 18e siècle, aurait fortement été nourrie par des inspirations stylistiques venues de la Chine. Dans ce contexte, alors que toute la société européenne a été frappée d'un engouement pour la Chine au 18e siècle, il va sans dire que cet engouement a aussi frappé les milieux intellectuels européens. Mais avant d'explorer ce thème plus en détail, on se tourne tout de suite en musique avec une première chanson interprétée par Angela Chang, une chanteuse que nous avons déjà entendue sur nos ondes. On a parlé de la fascination des médias à vouloir raconter des histoires qui séduisent un public avide de spectaculaire et d'exotisme. Des histoires qui tentent d'interpréter le chaos qui se déroule sous nos yeux, même lorsqu'on ne sait pas quoi en dire ou quoi en penser. D'ailleurs, ce thème des représentations fascinantes au sujet de la Chine est au cœur de cette partie du récit de notre histoire de la Chine sur lequel nous reviendrons tout de suite après cette chanson, alors que nous sommes plongés au cœur de cette mode des chinoiseries. On va parler de représentation, de fascination, de tout ce qui se rapproche des histoires inventées et des fables auxquelles on voudrait croire. Et c'est d'ailleurs le titre de cette première chanson qui nous parle d'une réalité fantasmée, dans laquelle on se laisse embarquer parfois trop aisément. La chanson s'intitule « Yuan », ce qui signifie « fable », « parabole » ou « conte de fées ». C'est une chanson qui évoque les histoires qui nous plaisent ou les histoires qu'on se fait accroire, les scénarios auxquels on s'attache parfois aveuglément. Que ce soit parce que la fable nous aide à sortir du pétrin dans lequel on était embourbé, ou tout simplement parce qu'on refuse de voir la réalité en face et qu'on préfère s'attacher à un monde de rêve. Voici donc Angela Chang avec Yuan. Thank you. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous replongeons au cœur du 18e siècle. Alors que nous parlions de l'impact de la querelle des rites chinois, provoquant en Europe un engouement sans précédent pour la Chine. En fait, tous les penseurs associés au siècle des Lumières se sont prononcés au sujet de la Chine et de l'engouement qu'elle suscitait alors autour d'eux. Que ce soit Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Quesnay, Leibniz et encore, les penseurs des Lumières ont tous utilisé la Chine pour faire valoir et mettre en scène certaines de leurs idées. Sur ce point, je m'en voudrais de ne pas commencer par présenter l'une des recherches pionnières sur le sujet, soit le livre de Virgile Pineau, dont le titre est « La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France, 1640-1740 ». Il s'agit d'un livre qui reprend sa thèse de doctorat et qui a été publié en 1932. Et le livre est accessible en format numérique sur des plateformes de diffusion de contenu comme les classiques des sciences sociales ou encore chineancienne.fr. La découverte de la Chine par les penseurs européens a eu un impact sur le développement de la pensée moderne et ce phénomène est de plus en plus étudié par les spécialistes. Mais il est très important de mentionner en commençant qu'il existe une très grande diversité de penseurs et donc qu'il n'y a pas de perspective unique à l'égard de la Chine. Par contre, malgré l'existence de cette diversité considérable des points de vue au sujet de la Chine et de son histoire, on y trouve tout de même une tendance dominante dans les représentations européennes du 18e siècle à l'égard de la Chine. En fait, plus on avance dans le 18e siècle, plus on a l'impression qu'une image stéréotypée, relativement négative au sujet de la Chine, semble en voie de se généraliser en Europe. Et la dynamique de cette tendance a été schématisée par le sinologue français René Étiamble, à partir d'une simple expression soulignant le passage de la sinophilie à la sinophobie. En fait, il y a trois grandes raisons qui expliquent pourquoi on voit une transformation radicale dans les représentations européennes à l'égard de la Chine au 18e siècle. D'abord, le point de départ est une idéalisation de l'exotisme de la Chine, telle qu'on la retrouvait dans les premiers récits de voyage, comme celui de Marco Polo, mais surtout dans les lettres des Jésuites qui mettait principalement en valeur les aspects positifs de la civilisation chinoise, ce qui permettait de justifier leur stratégie d'évangélisation. Cette idéalisation de la Chine et de sa civilisation, dans la représentation des Jésuites, s'est amplifiée dans le contexte de la querelle des rites. Par la suite, et c'est la deuxième raison qui explique le changement dans les représentations, on remarque au 18e siècle une diversification considérable des témoignages sur la Chine publiés en Europe, faisant état d'une multitude d'expériences différentes vécues. L'augmentation des échanges entre la Chine et l'Europe a fait en sorte que les Jésuites n'avaient plus le monopole des discours sur la Chine, alors que se multipliaient dans les publications européennes les récits de diplomates, marchands et explorateurs, ainsi que ceux des missionnaires des autres ordres religieux. Par exemple, les récits, les journaux de voyage et les rapports des ambassadeurs européens en Chine deviennent rapidement des succès littéraires en Europe, comme ce fut le cas pour les ambassades des Pays-Bas en 1668 et 1687 et les ambassades du Portugal en 1670 et 1678. Ces nouveaux points de vue qui circulaient exprimaient des visées différentes et même pour certains, faisait notamment état de persécutions et d'emprisonnements. Par exemple, pour les missionnaires qui tentaient d'évangéliser par le bas, ceux-là même dont nous avons parlé la semaine dernière. Finalement, comme troisième grande raison qui explique l'important changement du registre des représentations de la Chine, on voit aussi apparaître dans l'Europe du 18e siècle un esprit scientifique plus rationnel et encyclopédique. Ce changement dans les mentalités occasionnait des descriptions plus détaillées et minutieuses sur une multitude de situations et de pratiques jusqu'alors, soit inconnues ou ignorées dans les textes. Et c'est un peu comme si on passait de la spéculation théologique au sujet de la Chine à des modes de reportage plus réalistes. Prenons par exemple le récit de John Bell, un docteur écossais qui a accompagné l'ambassade russe de Ismailov en Chine en 1720-1725. Alors que son journal de voyage est très représentatif de l'esprit des Lumières qui émergeait alors en Europe. Se révélant un observateur très méthodique de la société chinoise, John Bell décrit froidement et minutieusement des lieux, des événements et des pratiques sociales comme la Grande Muraille, la salle du trône impérial ou des rituels d'accueil, la prostitution, l'intérieur d'une cuisine ou même la manière de tuer un mouton. À ce sujet, il écrivait dans son journal « Je ne peux pas m'empêcher de remarquer la façon peu commune que les gens d'ici ont de tuer leur mouton. Avec un couteau, ils font une incision entre les deux côtes, puis ils y passent la main et ils serrent le cœur de la bête jusqu'à ce qu'elle meure. Tout le sang reste à l'intérieur de la carcasse. Une fois le mouton mort, alors que les convives ont faim et ne peuvent pas attendre qu'on finisse de préparer la viande, ils coupent d'abord la poitrine et la cuisse, avec la laine et tout le reste, et ils la font griller. Puis ils enlèvent en grattant la laine roussie et ils mangent la viande. J'y ai goûté et je n'ai pas trouvé cela désagréable du tout, même sans aucune sauce. » Alors que le journal de John Bell est rempli de descriptions qu'on pourrait presque qualifier d'objectives, tellement l'auteur s'efforce de ne pas projeter de jugement de valeur sur ses observations, on retrouve aussi toute une panoplie de textes qui se montrent beaucoup plus critiques à l'endroit de la Chine, comme celui de l'amiral britannique George Anson, intitulé « A Voyage Round the World », le récit du Commodore Anson a été publié en 1748 et représente peut-être le plus bel exemple de cette transition intellectuelle au sujet de la Chine, reflétant alors les échos d'une Angleterre belliqueuse et conquérante. Dans son journal, le Commodore Anson témoigne d'une opinion très négative à l'égard de la Chine, évoquant les problèmes qu'il a connus dans la région de Canton, alors qu'il n'aurait, selon ses dires, reçu aucune assistance et qu'il aurait même eu à payer des taxes commerciales, même si son but n'était pas le commerce. Le récit du Commodore Anson a contribué à changer l'image que plusieurs Européens avaient de la Chine, faisant circuler l'image d'une nation servile, remplie d'hypocrites et de gens rusés. Dans la même veine, on retrouvait déjà ce type de critique à l'endroit de la Chine dans l'œuvre de Daniel Defoe, en particulier dans son célèbre « Robinson Crusoe » publié en 1720. À la manière de John Bell, Defoe propose une description méthodique et réaliste de la société chinoise qui met à l'avant-plan un scepticisme et un rationalisme critique traitant de sujets variés comme l'urbanisme, la stratégie militaire, l'esprit d'innovation et les habitudes alimentaires. Comme l'a fait le Commodore Anson dans son journal de voyage, Defoe s'est servi de l'image de la Chine pour répondre et rejeter les adulations qui circulaient en Occident au sujet de cette civilisation exotique. Bref, dans Robinson Crusoe, Daniel Defoe utilise l'image de la Chine comme un repoussoir, un contre-exemple qui lui permet de glorifier et de mettre en valeur l'Angleterre triomphante. On y trouve par exemple le passage suivant. Mais quand j'en viens à comparer les misérables peuples de ces contrées aux peuples de nos contrées, leurs édifices, leurs mœurs, leur gouvernement, leur religion, leur richesse et leur splendeur, comme disent quelques-uns, j'avoue que tout cela me semble ne pas valoir la peine d'être nommé, ne pas valoir le temps que je passerai à le décrire et que perdraient à le lire ceux qui viendront après moi. Que sont leurs édifices au prix des palais et des châteaux royaux de l'Europe? Qu'est-ce que leur commerce auprès du commerce universel de l'Angleterre, de la Hollande, de la France et de l'Espagne? Que sont leurs villes au prix des nôtres pour l'opulence, la force, le faste des habits, le luxe des ameublements, la variété infinie? Que sont leurs ports parsemés de quelques jonques et de quelques barques, comparés à notre navigation, à nos flottes marchandes, à notre puissante et formidable marine? Et plus loin dans le livre, Defoe poursuit la narration. Aussi, j'avoue que ce fut chose bien étrange pour moi, quand je revins en Angleterre, d'entendre nos compatriotes débiter de si belles bourdes sur la puissance, les richesses, la gloire, la magnificence et le commerce des Chinois qui ne sont, je l'ai vu, je le sais, qu'un misérable troupeau d'esclaves ignorants et sordides, assujettis à un gouvernement bien digne de commander à un tel peuple. Cette image négative de la Chine gagnait donc en importance à mesure que l'on avançait dans le 18e siècle, et à mesure que l'Angleterre augmentait l'étendue de son empire sur les mers du monde. C'est là un thème crucial sur lequel nous reviendrons au cours des prochaines semaines. Parmi les représentations négatives de la Chine, on retrouvait aussi celle de Montesquieu, qui s'inspira fortement du système impérial chinois pour théoriser son système politique, notamment pour la section sur le despotisme qu'on retrouve dans son livre « L'esprit des lois » datant de 1748. Selon Montesquieu, le despotisme repose sur la crainte, la soumission et l'asservissement, et c'est exactement de cette manière que plusieurs dépeignaient le pouvoir politique chinois dans l'Europe des Lumières. Mais comme nous l'avons indiqué précédemment, les représentations à l'égard de la Chine n'étaient pas toutes négatives au 18e siècle. Par exemple, le philosophe et mathématicien Leibniz était fasciné par la Chine, et en particulier par l'histoire de son langage. Alors qu'il se lança à la recherche de ce qu'il croyait être l'essence de la civilisation chinoise. S'intéressant à l'arithmétique binaire et à la géométrie arithmétique, Leibniz a entretenu de nombreuses correspondances avec les jésuites, et il a même trouvé la clé de tout son système de pensée dans le I Ching, le fameux « livre des mutations ». Allant jusqu'à considérer que les 64 hexagrammes qui constituent la base du I Ching étaient le reflet d'un ordre mathématique parfait. Leibniz s'est efforcé d'harmoniser dans son système de pensée le pluralisme de la nature avec l'unité du divin. Et au-delà des dénominations politiques et confessionnelles, il recherchait dans la langue chinoise une preuve mathématique de l'existence de Dieu, ce qui lui fit mettre en valeur la théologie morale des Chinois en la comparant avec ce qu'on appelait alors en Europe les lois naturelles. Mais avant de poursuivre sur cette question, nous allons tout de suite faire un tour en musique avec une pièce qui est inspirée du folklore traditionnel des Manchous, ce qui est une thématique qui est tout à fait appropriée pour annoncer le prochain chapitre que nous débuterons dans la deuxième partie de cette émission. C'est une chanson qui a été composée par Song Sitong, de son nom manchou Akeshan. La chanson s'intitule Eretun, un terme en langue manchoue qui signifie l'espoir. Alors pour celles et ceux qui sont toujours dans l'attente d'un moment grandiose, d'un moment d'espoir, comme un amour dont on attend les nouvelles, voici une pièce qui s'intitule Eretun et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. Arbangiru, Mushi Saifan Tursa.